figurez-vous qu'hier, j'ai décidé d'aller courir au bois, histoire de me dépenser un peu. Et là, je l'avoue, dans l'optique de faire, c'est vrai, une ou deux rencontres. J'enfile mes baskets, enfin j'essaye, impossible de les refermer. Je me dis, oh, Helmut, t'as grossi les pieds, c'est pas bien. Et puis la raison est venue à mon esprit tourmenté. Je me suis souvenu que la dernière fois que j'avais fait du sport, et plus précisément du jogging, c'est quand j'avais 11 ans. Mes chaussures ne m'allaient plus, tout simplement, j'avais légèrement grandi. Oh, quel fada je suis des fois. Bon, je mets mes tongs et hop, me voilà en petite foulée dans le bois de Vincennes. Ah, on aurait dit un cougar. Et d'un seul coup devant moi, oh, une radasse en short, une beauté. Ouh, je me dis, vas-y, double Helmut, vérifie ce qu'il y a en face. Je passe devant, je me retourne discrètement en faisant coucou. Et là, un canon. Je lui dis, salut, ça te dirait qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble? Et là, le bonheur. Excuse-moi, je ne comprendrai pas très bien le français. Oh, mon col joli accent. D'où venez-vous comme ça avec votre short? Oh, moi, je vais venir de Suède. Oh, Suède. Quel magnifique pays. Oh, toi, connaître le Suède? Oh, monsieur, moi, connaître le Suède. Le crisp roll, c'est tout ça, je connais pas encore. Mais on s'en fout de tout ça. Qu'est-ce que tu fais à Paris, Bélafa? Je parie pour éducation, je ne sais plus, on dit comme ça, excusez-moi. Non, non, c'est parfait, éducation, comme c'est mignon. Je suis là pour faire le langue, c'est comme ça qu'on dit. Oui, oui, oui, c'est parfait pour faire bien le langue, c'est parfait, ma fille. Je suis désolé, moi, je suis un peu fatigué, je vais rentrer dans la maison de moi. Oh, déjà, si toi vouloir venir, tu peux venir prendre douche si tu veux. Avec plaisir, je veux dire. Après, si tu veux, toi et moi, on peut faire la sieste. Oh. Ok. Mais, je peux te prévenir, il y a un petit problème. Je vis avec deux amies suédoises lesbiennes. Tu existes vraiment. Oh, mes amis, je peux vous dire que la fin de journée était plutôt incroyable. J'étais fier comme un furet qui a des gaz. Et là, je peux vous dire, pendant 4 heures, avec les 3 nanas, on a fait l'amour comme des... Ah, oh, Dieu du ciel, les pays du Nord. Bon, faut que je vous laisse, je suis sûr que j'ai un truc à faire. Au revoir, Zen.